passe en revue des années corrompues, des années sans remords au bras d'une inconnue, qu'on apprend à connaître sans l'avoir reconnue. Cette garce est si belle qu'on la voudrait nue, qu'on en tuerait pour elle à en perdre de vue. L'important, l'éternel, tout ce qu'on a reçu, et le plus infidèle, le dernier des vendus, a reçu sa caresse et embrassé son cul, s'est brûlé sur ses lèvres du sang sur les mains, et revient chaque nuit l'image de ses seins, de sa peau en sueur drapée de satin, la douleur inconsciente d'en avoir si faim. On serre la main franche du mensonge plus souvent. On cultive en urgence des excuses sous le vent, sans prévoir malgré tout qu'il faudra récolter tout un champ de rancune aux racines mêlées. Il ne suffira plus d'une hache pour abattre les milliers de parjures qu'on a laissé s'accroître, de silence et de mots pour y noyer la honte, et à l'intérieur la bête qui féconde le sort et la peur que tout nous retombe, et l'indéniable fait que tout nous réponde au creux de la gorge se tourne debout, la vague plein d'élan qui nous frappe aux genoux. Traite qui n'a plus que ses mains pour mendier, et son cœur mis à nu pour se faire pardonner. On va pousser la porte pour savoir malgré tout si face au regard on peut tenir debout, et si malgré le doute qui reste encore latent, on peut recommencer à écrire des moments avec encre séchée ou des mines cassées, sur des pages froissées, sur des nappes en papier, des instants sans promesse et d'espoir inconscient, que plus rien ne blesse et sans contre-courant, des mots comme des pétales dans le vent de nourrir, des heures comme des fables qu'à chacun de nourrir. Seule cicatrice qu'on effacera jamais, la moins perceptible et la plus infectée, ça sera peut-être de démanger nos voix, nos cœurs et tout le reste, le temps nous aidera.